la suite de l'aspect française, ainsi qu'une doublette avec une première nouveauté dans l'aspect hexagonal, The Great Procession. Groupe de post-metal qui nous vient de l'est du pays, ils viennent de sortir là leur tout premier album. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par post-metal ? Eh bien tout simplement, le groupe va chercher ses inspirations du côté de ce que peut nous proposer Neurosis, Cult of Luna et autres Amenra. Du post-hardcore au sludge, des éléments indus et des sonorités même plus metal atmosphériques. Une musique plutôt lourde, menaçante, avec des vocaux criards et vraiment torturés. Voilà, donc pour The Great Procession, et en doublette, Faust, formation de Black Death, Melodic Black Death, un one-man band d'inspiration 90 Suède, hein, coucou les dissections nécrophobiques et autres Sacramentum. Le Zikos, derrière le projet, c'est un des fondateurs de Elvenstorm, groupe de heavy grenoblois, et le gars est également passé dans Lone Wolf. Voilà, les présentations sont faites pour la doublette française à venir. The Great Procession, le titre Celestial Star, extrait de l'album du même nom, The Great Procession, pardon, album éponyme, même nom que le groupe. Et ensuite, Faust Unhallowed Soul, extrait de l'album Death From Beyond. Et c'est parti. Nouvelle doublette, nouvelle nouveauté dans l'aspect française. Lemort Solar Eruption. Lemort, formation qu'on vient juste d'intégrer à la playlist. C'est un groupe français, mais géographiquement étendu. Puisqu'après Red Sphere qui nous venait de Nouvelle-Calédonie, là, Lemort nous vient de La Réunion. On est sur un groupe de thrash actif depuis 5 ans maintenant. Ils viennent juste de sortir leur tout premier album studio. On est sur un thrash assez old school. Hein, dans les références, on peut retrouver les anglais de Evil, qui va chercher ses inspirations dans les vieux albums de Metallica. Et ça tombe bien, parce que Lemort va aussi chercher du côté de Metallica dans les années 80. C'est très classique, mais c'est bien efficace. Il y a juste ce qu'il faut de hargne dans la voix et dans le riffing. Voilà, pour donner du thrash bien qualitatif. Et ensuite Solar Eruption, le groupe de Symphonic Blackening Deathcore qui nous vient de Lille. Le groupe vient de sortir son premier album après un EP qui avait vu le jour en 2019. C'est plutôt généreux, hein, 13 titres, un album assez long et complet, qui ne traîne pas en longueur cependant. Voilà pour les présentations de la doublette à venir. Lemort The Great Defender, extrait de l'album Perseverance of Sickness. Solar Eruption, le titre Fatal Abduction, extrait de l'album The Demon's House. C'est parti. Like infinity watching my soul, get away, you watch my doublette suivante, Postiona, tout d'abord, donc formation qu'on vous présente depuis quelques semaines. Postiona, c'est un one-man band de Touraine. On est sur du post-metal, post-rock, c'est une musique instrumentale. Le projet a vu le jour en 2009, puis une pause de presque 10 ans entre 2010 et 2018. Et depuis 2018, le groupe, le projet musical, sort des EP à l'appel, parce que là c'est le 11e qui est sorti donc au mois de janvier depuis 2020. Le 3e seulement avait vu le jour. Très prolifique, très productif et qualitatif. Hein. C'est une musique assez dynamique, atmosphérique. Donc, comme je disais, ça va chercher dans le post-metal, le post-rock. Et voilà, puis nous, en termes de diffusion, ça nous permet d'aérer un peu la playlist de ce soir. Et on va quitter l'aspect française avec Pest Control. Voilà, Postiona Pest Control maintenant. Toute récente formation de crossover trash venue d'Angleterre. Actif depuis 2019. Le premier album vient de sortir après quelques EP et démos. 11 compos pour 20 minutes. C'est radical, court, expédié et très très bien exécuté. Dans une veine que l'on peut trouver du côté de Power Trip et autres Municipal Waste, avec quelques éléments un peu hardcore par-dessus. Et c'est une vocaliste qui arrache bien comme il faut au sein de Pest Control. Au niveau des morceaux qu'on s'écoute, Postiona, le titre Impasse, Pest Control, Masquerade Party enchaîné à Banging Out. Extrait de l'album Don't Test the Pest. C'est parti. We'll be right back. approche en douceur de la fin de l'émission de ce soir. Pour rappel, la prochaine émission en direct, ce sera dimanche prochain. Doublette à venir, Scalp, Nothingness, pas de nouveauté pour le coup. Scalp, c'est une jeune formation californienne, on est sur du hardcore grind dès 6 ans. Second EP qui vient d'être tout juste démoulé chez Close Casket Activities. 8 titres pour une douzaine de minutes, un très très très bon équilibre entre vraiment le grindess et des passages vachement plus hardcore, et une prod ultra massive à la sauce Nail is Full of Hate et Auto Trap Them. Et en doublette avec Scal, donc Nothingness, pareil, un excellent groupe qui nous vient du Minnesota, formation US, qui vient de sortir son deuxième effort studio chez Everlasting Spio Records. Un death à la fois frontal et brutal, avec des passages cependant atmosphériques et dissonants. C'est ultra dynamique et extrêmement riche. Dans le line-up, on compte deux membres de Suffering Hours, qui viennent, voilà, enfin, c'est dans le line-up. En tant que guest, hein, c'est pas des résidents, parce qu'au niveau des résidents, on a le frappeur de Ghost Bass, le groupe de post-black américain, pareil, qui s'est déjà été une sérieuse réputation ces dernières années. Voilà pour la présentation au niveau du line-up. Scalp, Broken Vein, extrait de l'EP Black Tar, Nothing Death, The Envile, extrait de l'album The Supraliminal. C'est parti. We'll be right back. doublette sans nouveauté, on passe maintenant à une doublette de nouveauté. Tout d'abord, Hoplite, un one-man band qui nous vient de Chine. On est sur un black à tendance dissonance, avant-gardiste. Il y a plein de choses à dire sur Hoplite. Tout d'abord, un premier EP a vu le jour en 2021. Et là, tout début 2023, vient de sortir le premier album longue durée. Pour situer un peu musicalement parlant, on est sur du black qui va chercher du côté des inspirations de la scène française telles que Despel Omega en tête ou autre plebeian grandstand. Et également, mais bon, cette scène-là est également inspirée par la scène française que je viens de citer, du côté de la scène islandaise, c'est travaillé, malsain, chaotique, mais un chaos maîtrisé et un ensemble hyper cohérent. Voilà. Autre particularité de ce one-man band venu de Chine, c'est que tout est en grec. Hoplite, le nom du projet musical, fait référence du coup au nom donné aux fantassins de l'armée grecque antique, hein, des soldats qui étaient lourdement armés, et le titre de l'album et les morceaux sont également en grec. On passe par une traduction en anglaise, juste pour que ça soit plus simple. Mais sachez un peu tout ce qu'il y a derrière la musicalité et l'intention du projet Hoplite. Strider ensuite, formation qui nous vient de Turquie, active depuis 5-6 ans. On est sur un heavy psyché à tendance stoner rock. Le premier album contenant 5 compos généreuses 4 à 10 minutes, hein, vient juste de sortir. Musicalement, c'est assez éclectique. C'est tout à la fois énergique, groovy, ça fuzz bien comme il faut, avec des séquences vachement plus planantes, voilà, pour le côté psyché. L'ensemble est vachement mélodique et ça s'écoute très très bien. Ça permet un peu de respirer sur la fin de l'émission de ce soir qui est ultra extrême. Et voilà, le titre choisi aujourd'hui est justement plutôt planant et contemplatif. Hoplite. Tout d'abord, on va s'écouter le morceau The Fake Oracle, extrait de l'album False. Strider ensuite, Dream with a Dreamer, extrait de l'album Midnight Zen. Voilà, tout porte très bien son nom dans Strider. C'est parti. soir en apothéose, Disfiguring the Goddess, enchaîné à Grandiosa Muerte. Disfiguring the Goddess, l'excellent groupe de Brutal Death, avec des éléments un peu slam, un peu élec, élec dans le sens électro, mais biomécanique, vraiment machine. Voilà, nouvelle EP du projet toujours mené par Big Chocolate. Clutching Unto Bandage, c'est le titre d'ouverture de ce nouvel EP intitulé Carnival. Grandiosa Muerte, ensuite, qui sort son nouvel album studio Egregor. Grandiosa Muerte, j'en ai parlé la semaine dernière, hein, c'est un one-man band qui nous vient du Costa Rica. On est sur du death metal d'inspiration old school. C'est assez expéditif, ça se veut assez caverneux dans le style. Hein, dans les références, on trouve les vieux Morbid Angel Incantation. Et pour l'aspect un peu plus... actuel, on va dire, on peut aller chercher du côté de Corpsist et autres Father Bifold. Voilà, un one man band qui sort un album sur un label français intitulé Bitume. Et voilà, c'est plutôt cool de retrouver ce type de formation dans la diffusion de l'émission. Grandiosa Muerte, le titre RT. Donc, sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle et Hellbanger en direct. Ciao, ciao.